Vie de Sainte Rita, par Mademoiselle Ferland, Québec, 1910, Mark M. Dan, archive.org, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Préface. Pourquoi songer à écrire la vie de Sainte Rita, se demanderont ceux qui auront le courage de lire cette notice. Pourquoi ? D'abord, une courte notion de sa vie parue dans l'Action sociale m'en a donné l'idée. Puis, j'ai été gagné par le récit de cette vie toute d'héroïsme obscur qui puisait sa force dans sa dévotion à la Passion de Jésus d'abord, puis dans l'intercession constante de Saint Jean-Baptiste. Entendons-nous bien, nous, Canadiens français, notre patron national, que nous oublions trop souvent. Ah ! Nous songeons à lui, sans doute, quand arrive le 24 juin, et j'entends d'ici les clameurs qui honoraient mon argument, si je soutenais le contraire. Pourtant, Canadienne française, moi-même, l'âme remplie de patriotisme, pas plus que d'autres peut-être, mais autant que d'autres, je soutiens que nous ne prions pas, ou presque pas, Saint Jean-Baptiste. Quelques églises ont sa statue, mais son culte parmi nous n'est pas ce qu'il devrait être. Un chat allégorique, plus ou moins réussi, passe dans les rangs de la procession du 24 juin. Il nous représente le précurseur sous les traits d'un chérubin, vêtu de peau de bête, tenant en main une croix, pendant qu'un agneau repose à ses pieds. Loin de moi la pensée de critiquer la grâce de ce symbole, d'en souhaiter la disparition. Non. Non, gardons nos traditions, nos vieilles coutumes, nos anciennes chansons. Ne les déflorons pas, laissons-leur un doux parfum du terroir. Nos arrière-cousins auront besoin de ces chaudes effluves du patriotisme des ancêtres, pour soutenir les luttes que l'on sent venir, pour résister aux flots montants des envahisseurs, comme ils auront besoin d'une protection céleste toute puissante. Quelle sauvegarde plus naturelle, surnaturelle plutôt, peut-on concevoir que celle du patron national? Eh bien, on acquiert de la confiance en un saint dont on entend célébrer les miracles. Saint Jean-Baptiste a fait de grands prodiges en faveur de Sainte Rita. Pourquoi ne les rapporterions-nous pas? Pourquoi ne ferions-nous pas connaître aux petites ou grandes Canadiennes françaises qui portent le gracieux prénom de Rita la vie de leur patronne? De plus, nous avons dans notre vieille cité de Québec, l'aïeul de toutes les communautés religieuses canadiennes, j'ai nommé les Augustines de l'Hôpital Général et je me permets de faire hommage de mon chétif travail à la révérende mère générale de leur institut. Rita fut une des plus célèbres parmi les nombreuses saintes qui l'ont illustrée. Les miracles éclatants, opérés à son tombeau, n'ont pas cessé, et, si le Seigneur a réservé sa canonisation pour ces derniers temps, 8 avril 1900, n'est-il pas juste de penser qu'il a voulu garder le secours de son intercession pour notre époque si tourmentée? À la société, ébranlée par notre impatience de tout frein, il a donné un modèle d'obéissance constante dans 4 états de vie différents. À nos aspirations vers une vie où le soin du confort met dans l'ombre la loi impérieuse de la mortification chrétienne. Il redit par la bouche de Sainte Rita, « Faites pénitence, ou vous périrez tous. » Signé, O.F., institutrice, tertiaire de Saint-François, Québec, décembre 1910.